t'as pas d'échec, en bas de l'échelle, ça devient dur. De star, je regarde tous mes espoirs rouillés depuis que j'y crois dur. Comme faire ça des bites, c'est quand tu vis là. Je t'avoue que t'as des raisons de pas rire. Je te souhaite bienvenue dans mon 18 que je l'en resort Paris. Je développe ma rime parce que la gloire, on l'a quand la consent. Même si comme un se fait le test, tous mes espoirs sont à 0%. J'ai la prose imposante. Est-ce que l'État n'assume pas? C'est que j'ai pas besoin d'être un mec plat aux as pour mettre carte sur table, j'assure le pas. Tant que mes frères ont des vers, se déverse de la pierre dans les verres. Faut qu'on passe l'hiver, la galère fout les nerfs. C'est pour ça que mes verres ont des fers. Je suis plus à découvert que ces putes qui ne portent pas dessous. Cette vie m'a trop déçu. Comme un anime face à un pote de soupe, j'attends que je dessoule avant que ce monde me livre aux flics. Dans ce monde, je me sens perdu, pire qu'un sumo face à un frigo vide. La vodka, c'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert, aucun souvenir, des mille et une cuite. Le temps n'en est pas. Je souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en prie sans Paris. La vodka, c'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert, aucun souvenir, des mille et une cuite. Le temps n'en est pas. Je souhaite bienvenue dans mon 18 que je t'en prie sans Paris. T'as pas compris le but, c'est de tâcher ses larmes quand les soucis s'entassent. Pour l'État, on est des larves qu'il faut éradiquer. Parce que ma vie s'encrasse, perso l'espoir, je m'en passe. Tu me diras pas que j'ai tort, pas de belle histoire dans mon ticket. Le père Lachaise remplace le père Castor et dire Caster. J'ai vapi, j'ai même pas de peste, on craint de ma peste. Sauf quand on gratte des 16 ans, scrète de kimo, cabarbe, je m'enterre dans des salresses. Plus y'a que de la merde qu'on reste, pire j'encaisse. Pire qu'un mec qui sous 40 bougies adresse. Puis dans ma tête, c'est le désert, aucun souvenir, des mille et une tuites. Y'a tellement de fils de chef, c'est facile de faire 30 millions d'ennemis avant de faire de l'asile. Ça serait bien d'en connaître les bases. Certains se la pètent, mais sont même pas capables de mettre les gaz. Ma mère trouve aberrant que j'dis, j'meurs trop devant mes pirantes. Car j'ai juste un verran, qu'ils leur perdent sur une terre en crise. Donc j'ai en qui, loin des paillettes, des strass, des mal, des as. Mon crew, c'est l'arme qui te casse, qui te prend, mais qui peut foutre plus la gaule qu'à César. La vodka, c'est un luxe que nous avons. Dans ma tête, c'est le désert, aucun souvenir, des mille et une tuites. Le temps n'en est pas. Je suis perdu.